Sœur Françoise. Quel bruit vous faites en marchant, ma sœur, avec vos souliers qui craquent. Cela est peu de chose, mais tout est de conséquence dans une communauté. Je les donnerai à arranger à ma sœur Jeanne. Cela sera plus sûr que de faire comme ma sœur Flavie. C'est-à-dire ? Ma sœur Flavie est entrée hier à l'improviste dans la robberie où nous étions et a demandé du pain chaud pour boucher un trou à la semelle de son soulier. Il est en effet étrange de réparer une semelle avec du pain à chanter. Et étrange d'en chercher à la robberie. Ma sœur, je voudrais... Hier à l'office, quand ma voix a manqué au cœur, en cet endroit où je bute toujours, vous l'avez couverte de la vôtre pour m'épargner d'être confondue. Oh, ce n'était là, je ne sais bien, qu'un petit acte de charité. Non, pas de charité, seulement de bon ordre. Et de bon ordre dans l'accessoire. La religion n'a pas été établie pour bien chanter, mais pour bien mourir à soi-même. Nous venons de parler d'une chose étrange, mais il y a une autre chose étrange. C'est une parole que vous avez tantôt prononcée. Laquelle ? Sur certains esprits pédantesques. Oh oui. Que vouliez-vous dire ? Quels sont ces esprits pédantesques qui créent des difficultés où il n'y en a pas ? Pour le plaisir ? Oh, ma sœur, ces esprits-là n'ont jamais manqué en France. Dites toute votre pensée. J'ai peur de vous faire de la peine. Je suis habituée. Est-ce que je vous fasse de la peine, moi ? Tout me fait de la peine. Je vous prie de me dire votre pensée. Eh bien, ma sœur, elle est que je suis un peu lasse d'entendre remâcher depuis 3 ans les mêmes raisons touchant les démêlés de Port-Royal avec le pouvoir. Mais je vous assure que je ne puis comprendre comment il y a des personnes qui ne pensent qu'à ces choses et ne parlent que de ces choses à longueur de journée depuis plus de 3 ans. Comme cela ne fait que commencer, dites-vous donc que ces personnes ont l'esprit fait autrement que le vôtre. Il y a des disputes où l'on va, on s'échauffe. Il se peut même que l'on échange des coups. Mais un moment vient où l'on s'aperçoit qu'on ne se souvient plus du tout de l'objet de la dispute. Voire que l'objet, vu de sang-froid, on est l'adversaire et soi de la même opinion. On lit dans Saint Matthieu, « Mettez-vous d'accord avec votre adversaire. » Moi, je voudrais y lire, « Vous êtes d'accord avec votre adversaire. » Vous êtes d'accord avec votre adversaire ? Votre mère Agnès trouve que je manque de simplicité d'esprit. Vous avez 22 ans et quelques mois. Combien de mois, le savez-vous ? Voilà qui peut m'importe. Vous avez 22 ans. Et je trouve que pour une fille de votre âge, vous manquez, vous aussi, de simplicité d'esprit. Cela vous déplaît-il si fort ? Chacun sait que dans toute communauté, on en trouve à peine 1 sur 10 qui soit vraiment capable. Vous êtes instruite et capable. Et je ne m'en plains pas. Mais vous manquez de simplicité d'esprit. Et vous parlez croisiment. Ne me rendez pas fine en me prêchant trop d'être simple. Comment cela ? Parfois nous nous servons. Dans un temps où nous avons besoin d'être fines. De tout ce qu'on nous a appris en nous exhortant à ne pas l'être. Dans un temps où nous ne l'étions pas. Parlez-moi des disputeurs. Et parlez-moi avec simplicité. Mais s'il est des disputeurs qui se forment des monstres qui sont inexistants, c'est parce que je suis simple que je vois qu'ils sont inexistants. On appelle nos messieurs les solitaires. Mais il n'y a pas une communauté en France qui soit plus tributaire des hommes et des monstres qu'ils se forment que la nôtre. Pourtant, vous vous rappelez cette phrase que notre mère Angélique disait si souvent. Les hommes, que cela, ce sont des mouches. Et elle faisait le geste de chasser les mouches. Elle chassait les mouches, donc elle s'occupait d'elle. Nous sommes harcelés par les mouches, il faut bien que nous les chassions. Elle disait aussi, ne parlez jamais des affaires du temps. Les anges s'en étonneraient comme devoir parler à un mort. Mais que faisons-nous d'autre que parler des affaires du temps ? Il y a un unique nécessaire. Et de ce point-là, monsieur l'archevêque, les bulles, le formulaire, les pamphlets, les libelles, les censures, ça reste des choses bien lointaines, et pour tout dire frivoles. Quand Monseigneur, ou Monsieur Chamillard, ou Monsieur Bell vient nous faire des interrogatoires, je réponds plutôt par union avec la communauté que par conviction. Parce qu'il me semble que tout cela n'a pas d'importance. Et qu'il n'y a qu'à répondre n'importe quoi pourvu qu'il me laisse en paix. Car il ne fait que me donner la migraine. Ce qui n'avance ni les affaires de Dieu, ni les nôtres. Je ne suis bien qu'à l'office. Et le soir, quand j'ai tiré le rideau de mon lit, tombeau de la cellule et tombeau du lit. Je voudrais être sœur converse pour ne plus avoir à m'occuper de rien dans ces fameuses affaires du temps. Et pour que tout ce que je ferai en ce pauvre état s'effaçât à mesure que je le ferai. Être comme un vaisseau perdu auquel personne ne pense. Votre disposition est donc de n'être ni d'un côté ni de l'autre. Au regard de M. l'archevêque, de n'être ni dedans ni dehors l'église. Or ça, il ne vous est pas libre de ne pas prendre de parti? Ou vous êtes avec M. l'archevêque? Ou vous êtes avec votre conscience? Qu'on aille demander à ma sœur Fabienne, qui est tout juste bonne à tailler les torchons dans les vieux draps, son opinion sur la grâce. Nous ne cessons de vous répéter qu'il faut répondre aux interrogatoires. Ce sont là des matières que je n'entends point. On ne m'en a jamais parlé. Cela ne regarde pas mon sexe, ce qui est la vérité même. Mais si cela ne nous regarde pas, pourquoi faire dépendre le sort de notre monastère d'une signature qui ne changera rien à quoi que ce soit? Sinon qu'elle nous rendra l'esprit assez libre pour nous consacrer à ce qui est notre tâche unique sur la terre. La contemplation, la prière, la charité, la pénitence. Le point contesté, sujet de tant de tumulte, ne touche pas la foi et n'est de nulle importance en soi. Raison de plus pour que ce soit un horrible crime de mettre des âmes simples, mais qui veulent n'agir que par leur conscience, dans la nécessité de prendre parti sur ce point qu'elles ignorent et qui importe si peu, et au cas qu'elles ne signent pas, de les rejeter de Dieu et de l'Église. Un horrible crime de donner à des âmes innocentes la croyance qu'elles sont coupables à l'extrême. Or, signer, c'est adhérer à ce crime, et c'est pourquoi nous ne voulons pas signer. Et de là que notre vie, qui est supposée tourner toute vers le ciel, se passe non seulement à rédiger des relations et des mémoires en vue des hommes de l'avenir, mais encore à dresser des procès-verbaux, à faire des requêtes et à signifier des appels pour les hommes du présent. Mais puisque nous aimons et souhaitons d'être méconnus, pourquoi nous occuper de l'opinion des temps futurs? Et puisque nous aimons et voulons la souffrance, pourquoi nous opposer à ce qu'on nous persécute? Nous devons nous opposer à l'injustice autant que les lois le permettent, parce que ce nous est une obligation de maintenir les droits de notre communauté. Et que ce serait, en quelque sorte, consentir à l'injustice que de ne s'y opposer pas. En deux mots, voici notre règle. Quand nos droits ne sont pas en cause, souffrir de bon cœur. Quand la justice et nos droits sont en cause, nous défendre. Et j'ajoute que nos oppositions et notre désir de souffrir se concilient fort bien, puisque ces oppositions n'ont jamais servi qu'à nous faire traiter plus mal et souffrir davantage. Oh, ma sœur, laissez-moi être franche. On croirait que vous aimez tout cela, vous et ceux de Port-Royal. On les cherche au ciel, et dans ce moment-là, ils sont sur la terre. On les cherche sur la terre, et dans ce moment-là, ils sont remontés au ciel. Si j'osais, ma sœur, d'une façon si vulgaire, je dirais qu'avec Port-Royal, on ne sait jamais tout à fait sur quel pied danser. Est-ce vous qui parlez ainsi? Nos ennemis ne parleraient pas mieux. Je songe à cette autre règle que nous répétait notre mère Angélique. Aller droit à la source, qui est Dieu. Moi, je suis une petite goutte qui sèche si elle est détachée de la source. Appuyez-vous sur moi, ma sœur. Appuyez-vous bien fort. Hé, là, ne voyez-vous pas que vous allez tomber? Mais je n'ai pas besoin de vous, ma sœur. Je ne vais pas tomber. Je suis solide comme le pont neuf. Et quoi, ma sœur? Alors que depuis 4 jours, vous êtes au lit à l'infirmerie avec une bonne fièvre, que faites-vous ici? Je l'ai rencontrée toute branlante dans l'escalier qui descendait pour faire voir ses guérisons. Je ne suis plus malade, ma sœur. Oui, bien, il y a 4 jours que j'avais une fièvre double tierce continue. Mais hier au soir, j'ai eu un mouvement de demander avec force au bon Dieu que par l'intercession de Monsieur de Saint-Cyran, aujourd'hui au ciel, il me fasse la grâce d'être guéri ce matin. Et ce matin, ma fièvre est tombée, mes forces sont revenues, je marche, me voici. Vous rêvez? Monsieur de Saint-Cyran a dans le ciel autre chose à faire qu'à s'occuper de vous. Toujours des miracles dans cette maison. Toujours des miracles. Et toujours qu'ils viennent bien à propos chaque fois que nous tremblons un peu et qu'il faut avoir l'opinion pour nous. Alors ma fille, remontez-vous mettre au lit, vous ne tenez pas sur vos jambes, nous allons vous saigner encore une fois. Vous saigner encore? Merci. Quoi? Une petite saignée vous fait peur quand Jésus-Christ a donné tant de son sang pour vous? Je n'ai que faire d'une saignée. Donnez-moi plutôt un bouillon. Remontez à l'infirmerie, ma sœur. Il sera temps de voir cet après-dîner si la fièvre est tombée tout le long et si vous êtes guérie. Guérie? Mais regardez-le, les rouges de fièvre. Rouges de fièvre? J'ai bonne mine parce que je me porte bien. Remontez, ma sœur. Ma sœur Angélique vous l'ordonne. Nous allons vous mettre à une diète bien serrée. Et ce soir, après nonne, je viendrai vous saigner moi-même. Dans l'état de faiblesse où vous êtes, 4 saignées, il n'en faut pas moins. Bon là, un frisson maintenant. Je frissonne parce que vous me touchez, ne me touchez pas. Je peux remonter en courant si je veux. Dieu m'a guéri et je demande un bouillon. Une saignée. Un bouillon. Une saignée. Un bouillon. Une saigne, un frisson. Il est bon qu'elle n'ait eu que nous pour témoins. Certes, il faut être prudent avant que de crier au miracle. Mais il ne faut pas non plus rabaisser par principe le pouvoir qu'ont ceux de nos amis qui sont retournés à Dieu. Vous voyez, ma sœur, combien nous sommes tributaires du siècle. Une fille d'ici ne peut plus avoir un lieu dans sa fièvre sans que cela prenne un tour politique. Et qu'on la couche ou qu'on la lève, selon qu'on est ou non du parti de Monsieur de Saint-Cyran. Votre paix est bien en danger, n'est-ce pas? Car vous avez dit tout à l'heure, pourvu qu'on me laisse en paix. Cela serait grossier si l'on connaissait qui vous êtes. Et si l'on présumait ce qu'il y a dans votre paix. Ce qu'il y a dans ma paix est l'unique nécessaire. Vous trouvez que tout le reste n'a pas de rapport à votre salut? Mon salut n'est pas en cause. Mais encore. Je ne suis faite que pour l'adoration. Quand je ne suis pas devant Dieu, je suis toujours dans une sorte d'étonnement. Vous êtes du moins une âme d'oraison, mais vous avez tort de le savoir. Si vous ne le saviez pas, c'est que votre oraison serait sans cesse, et elle vaudrait mieux. Combien de fois ai-je dû vous interdire de vous retirer seule à votre cellule, ou à la chapelle, tandis que nos sœurs sont assemblées? Même quand nous revenons de la récréation, vous faites en sorte que je ne sais quoi vous retarde, et vous revenez de quelques pas derrière les autres. Je le remarque presque chaque jour. Pourtant, vous êtes dans une communauté, et si vous voulez vous isoler en vous-même, le silence doit y suffire. Quand on est bien à Dieu, on est solitaire partout. Mais on dirait que cette communauté vous est à charge. Nous avons retiré de nos autels les fleurs et les plissures de linge et tant de colifichets qui encombrent les autres monastères. Mais ce n'est pas assez. Je voudrais être aveugle. Et sourde et muette, et ne plus sentir avec mes narines et ne plus toucher avec mes doigts. Quelquefois d'ailleurs, on dirait que ça m'arrive. Quelquefois, je regarde nos bâtiments, les arbres, les gazons, nos sœurs, les femmes de charge qui vont et viennent, et j'ai les yeux ouverts, et je me dis : rien de tout cela n'existe. Il n'existe au monde que Dieu et moi. Cela n'est pas l'esprit de notre institut. Cela est d'ailleurs. Vous n'êtes pas tout à fait une fille de Port-Royal. Je suis une fille du Saint-Sacrement avant que de l'être de Port-Royal. Mon nom est Sœur Marie-Françoise de l'Eucharistie. Parce que dans l'Eucharistie, notre Seigneur est séparé. Et seul. C'est ainsi que je veux être en lui. Vous cherchez à être approuvée. Je ne cherche pas à être approuvée. Eh bien, vous avez raison de n'avoir pas une attache trop grande, même à notre maison. On s'attache à de certaines choses sous prétexte de dévotion, alors que la dévotion consiste en un dénuement de tout. Dieu ne nous remplit qu'autant que nous sommes vides. Il y a d'autres ordres. Si vous ne regardez que Dieu, vous estimerez le bien où il est. Et vous louerez Dieu des grâces qu'il fait à ses autres ordres, comme de celles qu'il fait aux nôtres. Que voulez-vous dire? Pensant comme vous pensez, votre place est-elle bien parmi nous? Plusieurs fois déjà, il m'en est venu un doute. Vous me rejetez ainsi, ma sœur? Vous qui déjà me refusiez si fort, ce petit peu d'application et charité que je vous demandais en surcroît de ce qu'ont les autres. Il n'y a pas de règle à quoi nous tenions plus qu'à celle de ne point s'approprier les âmes. Je vous disais la parole de l'Évangile. Prenez ce qui est à vous et allez-vous-en. Que vous importait s'il était donné plus ou moins aux autres? Ok, je fais. J'ai tiré un peu sur votre robe pour que vous vous retourniez. Rien de tel qu'une affection humaine pour porter de l'ombre sur le soleil de Dieu. En vous séparant de nous, vous vous retireriez peut-être d'une de ces ombres, comme doit le faire une vraie fille de lumière. Et encore, vous trouveriez peut-être en une autre maison un esprit qui vous aida à soutenir mieux le nom de religion que vous vous êtes choisi. Ce que nous voyons nous incite à penser que les ordres religieux s'entre-dévorent comme des tigres. Mais non toujours. Et dans votre cas, il se pourrait que le Carmel... Apprendre tout à coup que l'on compte si peu. Pardonnez-moi si j'en suis étourdie. Vous n'êtes pas une privilégiée. Vous n'avez ni rôle, ni mission. Disons que vous êtes plutôt une étrangère. Une étrangère de plus, parmi tous ceux qui nous êtes étrangers. La chrétienté nous enveloppe, et une partie de la chrétienté est contre nous. Nous sommes ici 69 religieuses, et je pourrais vous nommer celles qui sont des étrangères, et qui nous le montreront à la première rencontre. Parce que je vous ai parlé comme j'ai fait, vous croyez que maintenant je signerai? Vous ne signerez pas, ou vous signerez la dernière. Non, jamais je ne trahirai nos mères. Quelques-unes d'entre nous signeront, parce qu'elles ne peuvent plus supporter cette attente. Parce qu'elles sont lasses de la souffrance avant qu'on ait encore souffert. Cela se lit sur leur visage à livre ouvert. Si elles savaient, je les surprends à pleurer. Elles se pleurent elles-mêmes. D'autres voudraient prendre la place de celles qui seraient dispersées comme rebelles. Elles rapportent tout à M. Bell et à M. Chamillard, qui le reverse à M. l'archevêque. L'Église est une maison d'ambition et d'envie. J'en connais une qui voudrait tant être abbesse. Qui, ma sœur? Dites-moi qui? Celle à qui je pense. Trahie. Et sait qu'elle trahit. Bien qu'elle ne croit pas que ce soit trahir, elle croit que c'est nous qui trahissons. Vous qui m'avez dit je ne trahirai pas nos mères. Vous les trahissez chaque jour, dans ce que vous avez de meilleur. Vous ne signerez pas. Ce ne sera pas pour vous disjoindre de votre famille. Ce ne sera pas par point d'honneur. Ce ne sera pas même pour ne pas trahir nos mères. Ce sera tout juste pour ne leur faire point de peine. Alors je me dis, à quoi bon? Nous ne devons jamais croire que Dieu ait sur nous des desseins extraordinaires. Ce serait un dessein extraordinaire de Dieu sur vous que de vous faire souffrir pour un port royal auquel vous ne croyez pas. Le martyr sans la foi, laissez cela à des esprits plus profonds que le vôtre. Vous avez dit que nos contestations étaient pour vous sans importance. Je voudrais vous marquer que votre opinion sur ces contestations est elle aussi de peu d'importance. Vous doutez du sens de notre combat? Ce doute est un petit doute. Vous avez prononcé le mot d'adoration du temps des petites filles quand j'étais maîtresse des novices. Et qu'on commençait de nous menacer de les enlever. Il y en avait une qui avait la terreur de rentrer dans le monde et qui ne priait plus que pour demander à Dieu qu'il l'en préservât. Elle jugeait avec raison que c'était offenser Dieu de ne plus prier que pour demander. Et elle me disait qu'il lui arrivait de crier « Mon Dieu, ôtez-moi les prières de la peur et donnez-moi celles de l'adoration. » C'est ainsi que sa crainte l'empêchait de plus prier purement. Peut-être y a-t-il une crainte qui empêche de plus prier du tout. Cela fait un autre doute que le vôtre.